légitimité internationale, la plupart du temps, vise à détruire les pays africains. Mais Monsieur Ouattara a une grande légitimité internationale. Vous savez ça, non? Monsieur Ouattara. Mais vous savez à quoi sert sa légitimité internationale? À détruire le continent africain. Un dirigeant fait des alliances sur la base d'une démarche politique sérieuse. Et il faut construire. Mais M. Tshisekedi a construit que démarche politique. Il a arrêté du parti de son père. Et il en est devenu le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi. C'est tout. Les vrais militants historiques qui étaient capables de diriger ce parti, on les a écartés. Ce que veut dire plein pouvoir en RDC, ça veut dire quoi pour un président plein pouvoir? Justement, le principe, c'est qu'aucun président en RDC n'est le plein pouvoir. C'est le principe colonial. C'est le principe de la colonisation belgo-américaine. Afrique Média, le monde, c'est nous.